Stéphane Mallarmé avait traduit et publié, en 1888, les poèmes de l'Américain Edgar Poe. Voici le tombeau d'Edgar Poe. Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change, le poète suscite avec un glaive nu son siècle, épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphait dans cette voie étrange. Eux, comme un vil sursaut d'hydre oyant jadis l'ange, donner un sens plus pur aux mots de la tribu, proclamèrent très haut le sortilège bu dans le flot sans honneur de quelque noir mélange. Du sol et de la nue hostile, ô grief, si notre idée avec ne sculpte un bas-relief dont la tombe de peau éblouissante s'orne, calme bloc, ici-bas chu d'un désastre obscur, que ce granit du moins montre à jamais sa borne au noir vol du blasphème épars dans le futur.